بسم الله الرحمن الرحيم. للحزبية يا إخوان أفل لها والله، أفل للخيانة، أفل للغش والخديعة، أفل لعدم النصح لدين الله وعدم النصح للحق والسنة وعدم الوضوح. حقيقة الحدادية، لا réalité de la Haddadia. Par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى. Cours numéro 1. مع تحية دماج افاق.com. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده الحديث. فهذه بشرى أن من اجتمع في مسجد من مساجد الله عز وجل. Ça c'est une bonne nouvelle pour tous les frères qui se rassemblent dans un masjid. Le but c'est al-ilm. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a cité cette récompense. As-sakina, ay la quiétude. Wal-rahma, kadhalik la présence des malaïka. Wa a'zam min dhalik, qawluhu wa dhakarahumullahu fi man indah. Ces rassemblements في هذا المسجد اليوم وغدا بإذن الله عز وجل سمن أعظم النعم علينا. Le but c'est l'ilm. Le but c'est de comprendre son din. Le but c'est التعاون مع إخواننا الأفاضل وفق الله الجميع. Et كما تقدم سين بشرى الحرص الاجتهاد الاجتهاد فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الجميع. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث على التزاور أي في الله، فأخبر عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إنه encouragé à nous visiter التزاور. Tazawur, ça vient de Az-Ziyara, à y rendre visite. Fillah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé anna rajulan zara akhan lah fi qaryatin ukhra. Un homme, il a rendu visite à son frère dans une autre ville. Qala fa arsada Allahu lahu ala madrajatihi malakan. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a envoyé à cet homme un malak. Et il était sur la route pour visiter son frère. قال فلما أتى عليه قال أين تريد. Ce malak, il est venu en apparence, avec l'apparence d'un être humain. Il a demandé à هذا الرجل أين تريد أي أين تذهب. قال الرجل أريد أخا لي في هذه القرية أي je veux rendre visite à mon frère ou à un frère dans cette ville. قال هل لك عليه من نعمة تربها أي est-ce que ce frère il te doit quelque chose ou tu vas le visiter pour qu'il te rende quelque chose ou pour un service. قال لا غير قال غير أني أحببته في الله عز وجل. هذا الرجل son but son maqsad al-hadaf c'était rendre visite à ce frère لأنه il l'aimait في الله عز وجل. هذا التزاور في الله. واسمعوا الآن la récompense. قال عليه الصلاة والسلام قال أي الملك أي cet homme qui avait l'apparence du malek, il a dit à cet homme qui allait rendre visite à son frère, « قَالَ لَهُ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ » Il lui a démontré, « c'est un malek, c'est un messager qui vient de la part d'Allah Azzawajal pour lui informer, « قَالَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَبْتَهُ فِيهِ » La récompense, « أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَبَّهُ » Comme il a aimé son frère, et il lui a rendu visite, « إِلَّا لِهَذَا الْمَقْصَدْ » pour rien d'autre, « لَا مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا » ou min ajli mal ou min ajli un service ou ghayr dhalik, la il lui a rendu visite fillah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a démontré que c'est min asbab mahabbat Allah azza wa jalla. Fabshiru ayyuha al ikhwa, fabshiru anna ce genre de rassemblement avec vos frères min talabat al ilm bidammaj et le mashayikh kadhalik anna hadha c'est une alama min alamat al khayr, et c'est une bouchra. كذلك عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الحديث كذلك يمنخنا من أسباب محبة الله عز وجل المجالسة مع الإخوان الجلوس في المساجد كذلك التزاور تصف الله عز وجل سمن أسباب محبة الله سبحانه وتعالى. فسي سا لو بوت سي سا لو بوت إن شاء الله تعالى دو سيت دورة أي التعاون مع إخواننا الأفاضل دوني كلك كلمات إن شاء الله عز وجل pour éclaircir à nos frères certains sujets. كذلك une séance de questions-réponses avec nos mashayikh, Cheikh Abu Amr, wafaqahullah, al-yawm, et al-allama Cheikh Yahya, hafidahullahu ta'ala wa ra'ah, ghadan, bi-idhnillahi azza wa jal. Nas'alullah azza wa jal, at-ufiq lil-jamia. Amma nahnu, on commence bi-idhnillah, cette kalima, on commence cette dawra, avec cette kalima, حقيقة الحدادية. إن شاء الله نلا فرق دو بارتي لأن هذا الموضوع كما تعلمون يحتاج إلى شرح وبيان. إن شاء الله نكمل اليوم ودما بإذن الله عز وجل نفني لا دوزيام بارتي. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أمر من الله سبحانه وتعالى سنغضر الله سبحانه وتعالى وندوسفر هذه الشريعة القرآن والسنة على فهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. أمر بالاتباع. اتبع ماذا؟ شريعة الله سبحانه وتعالى القرآن والسنة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous ordonne de suivre al-kitab et al-sunnah. كذلك, il nous met en garde contre al-ahwa, al-firq, al-dhalla. قال عز وجل, وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. وَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كما في حديث الفرق المعروف حديث معاوية وغيره رضي الله تعالى عنهم قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الحديث كذلك النبي صلى الله عليه وسلم nous a démontré أن cette أمة va se diviser des groupes égarés Ils sont tous fin nar, illa wahida. Qala al jama'a. Fa ikhwani billah, al muslim, wa bil akhas al sunni, il doit connaître son din. Et il doit connaître هذا المنهج السلف الأصيل. كذلك il doit connaître les groupes égarés. Il y en a celui qui ne connaît pas le char, كما قيل ومن لم يعرف الشر فقد يقع فيه. C'est ça le but, نحن. C'est de connaître le haq et on l'applique بإذن الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. Et de connaître le bâtil pour s'en écarter. لأن t'es pas à l'abri et je suis pas à l'abri. نعم الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى فلا بد لا بد لا سوليسيون سي العلم فلهذا قال عز وجل ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون فسمون خنا ceux qui tombent في هذه الاهواء et ceux qui suivent ces groupes égarés كثير منهم بسبب الجهل فانت si tu veux être préservé باذن الله عز وجل الاخلاص والدعاء c'est مهم كذلك العلم فبإذن الله عز وجل الله سبحانه وتعالى il te guidera avec ces trois choses l'ikhlas والعمل والعلم et parmi العمل الدعاء et نحن لهذا اليوم في هذه الدورة إن شاء الله تعالى on va étudier un groupe parmi les groupes égarés une secte qui s'est propagée جدا à cause du jahl, à cause de adam ou qillat ma'rifat al-manhaj al-salafi al-sahih, et ce groupe c'est le groupe des haddadiyya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala yakfina sharrahum. Firqatun dhalatun khalafat hadi al-mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ce groupe égaré il a khalif sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Firqatun, un groupe qui a délaissé manhaj al-salaf al-salih al-mabni ala al-ilm wal-hikma wal-rifq. Ce groupe égaré, al-haddadiyya, ils ont délaissé manhaj al-salaf al-salih, ils ont délaissé kadalik al-hikma, ils ont délaissé l'ilm, ils ont délaissé l-rifq. Firqa harabat awliya Allahi azza wa jal min al-ulama wa talabat al-ilm al-akhiyar. Ce groupe égaré kadalik, il combat أولياء الله سبحانه وتعالى لزاليد الله سبحانه وتعالى وبالأخص أهل العلم علماء أهل السنة فنحاول في هذه الكلمة المختصرة بإذن الله جل وعلا أن نبين لإخواننا الأفاضل صفات وأصول هذه الفرقة الهالكة الحدادية إن شاء الله نحن dans cet exposé, dans cette recherche on va démontrer les أصول, les fondements الصفات, les caractéristiques, le manhaj, les principes de هؤلاء الضلال الحدادية. كثير من الناس ما يعرفون شيئا وبعضهم التبس عليه. بعضهم ils ont une compréhension, ils ont un point de vue de الحدادية, il n'est pas fondé à la علم. بعضهم si tu le خالف dans une مسألة il t'accuse de حدادي. C'est pas ça l'ilm. L'ilm c'est qala Allah, qala Rasul, qala Sahaba. Avec la compréhension de Ahl al-ilm, c'est fondé sur des règles. Amma man khalafak sa haddadi, la. C'est pas ça l'ilm. Lianna anta, ou fulan, ou allan, on n'est pas ma'asoum. Attan. Al-isma c'est les rusul ou l'anbiya. Al-isma c'est l'ijma', ijma' al-salaf. Fanahnu, le but al-an, c'est d'étudier ce groupe, connaître ses fondements, ces aspects, ces caractéristiques, leur manhaj, et celui qui suit leur manhaj, il a été conseillé, il ne veut pas revenir, il est minhum. Et celui qui ne suit pas leur fondement, bel, il démontre leur égarement, il n'est pas minhum. وَلَوْ قَالَ فُلَانْ مِنَ النَّاسِ فُلَانْ سَاحِدَّادِي أَبَدًا الْعِبْرَ سَبِالْحَقَائِقِ الْعِبْرَ سَبِالْحَقَائِقِ لَا بِالْأَشْخَاصِ فلان يدي كفلان ساحدادي فلان يدي فلان ساحدادي العبرة بالعلم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقال عيسى الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر المسألة سبالبرهان comme on a cité le verset. Al mas'ala kadhalik, c'est bien al bayyina comme dans le hadith. La bil ahwa, la bil taqlid, la bi fulan qal, fulan il a dit, j'ai entendu. Abadan. Mas'ala c'est mas'ala din. Nous, quand on étudie un sujet précis, que ce soit un groupe égaré, ou un fondement, ou une ibadah, on doit toujours revenir au Coran et au Sunnah. Celui qui a le Coran et le Sunnah, il est à la haqq. Et celui qui khalif le Coran et le Sunnah, il n'est pas à la haqq. Ka'inan man ka. Kadhalik, al-ulama, kathiran, il cite une règle wahia, al-hukmu ala shay, far'un an tasawwurih. Al-hukmu ala shay, ay, si tu veux connaître le jugement d'une chose quelconque, t'es obligé de concevoir cette chose. Al-hukmu ala shay, far'un an tasawwurih. Fal-hukmu ala fulanin minan nas annahu haddadi, far'un an tasawwurih. Tu dois connaître c'est quoi l'haddadiya. Tu dois connaître le hal du shakhs. Thumma, t'auras le hukm sahih, bi'idnillahi azza wa jal. Wal musib al-an, cette époque qu'on vit, kathir minan nas, ils n'ont pas des fondements, ils n'ont pas des usul ilmiya. Kathir minan nas, ils sont, leur manhaj est basé sur taqlid. Fahada yadur. Kathir minan nas, leur manhaj est basé sur fulan il a dit. Fahada yadur. Kathir minan nas, kadhalik, leur manhaj est basé sur al-shaykh fulan il a dit. Fahada la. Al-hukmu ala al-shaykh far'un an tasawwurih. المسألة مبنية على إبراهيم على أدلة على حجج. نحن الآن وبا بإذن الله وبا ديتاي لي فوندمون دو هؤلاء الضلال حتى celui qui parle في هذه المسألة il parle بعلم لا بهوى il parle بعلم. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم il a mis en garde, بل il a cité un وعيد شديد جدا, un châtiment kabir pour celui qui accuse son frère d'une chose qu'il n'a pas commise, d'une chose qu'il n'a pas faite, d'une chose dont il est innocent. قال عليه الصلاة والسلام من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبل. Celui qui dit sur son frère une chose que ce frère, cette personne n'a pas commise, Allah subhanahu wa ta'ala يجعله في رضغة الخبل. رضغة الخبال قالوا وما رضغة الخبال يا رسول الله قال عصار أهل النار. عصار أهل النار أي c'est la sueur, le pus de أهل النار. Ça fait un fleuve et celui qui dit sur son frère ce qu'il n'a pas fait il sera dans ce fleuve. صلى الله عليه وسلم. المسألة c'est مسألة الدين. La personne ينتبه, ينتبه, il ne s'avance pas dans des choses qu'il ne maîtrise pas. La personne ينتبه أنه il ne commet aucune injustice envers son frère, envers un musulman. هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أولا pour comprendre et connaître ce groupe tu dois avoir un bref historique. C'est quoi l'Haddadiyya? C'est qui le fondateur? Elle est apparue quand? هذا c'est مهم. الحدادية فرقة ضالة نسبت إلى محمود الحداد المصري الضال المنحرف. الحدادية أولا النوم حدادية ça vient du fondateur محمود الحداد المصري un égyptien qui était en Arabie Saoudite. محمود الحداد donc الحدادية ça vient de son nom الحداد. ولد محمود الحداد هذا المنحرف في مصر سنة 1374, il est né en Égypte. ثم رحل إلى المملكة العربية السعودية وتتلمذ على بعض المشايخ هناك. أي il a eu des assises avec certains مشايخ وهو كما سيأتي لبا حول العلم. Il est pas حول العلم. لكن تعلمون أن il est parti كثير من الناس يبون عربي سعودي ils ont des assises avec certains مشايخ. فهذا il est منهم. Il est parti en Arabie Saoudite et il a eu des assises. ثم في بداية الأمر أظهر أنه يحب منهج أهل السنة ويحب السنة ويحب علماء السنة. أظهر كذلك بغضه لأهل البدع والأهواء فبعض الناس اغتروا به وديبا محمود الحداد il a fait apparaître أنه il aime le sunna il aime les gens de la sunna il déteste le bid'a فبعض الناس اغتروا به et ça ça montre la gravité de délaisser علماء السنة et suivre هؤلاء المجهورين الجدد هذا من أسباب الانحراف والضلال فلننتبه جميعا من هذا أنا واحد شخص il apparaît du jour au lendemain il prétend que c'est un shir il prétend des choses et on délaisse ulama sunna pour suivre ce genre d'individu là العلم il se prend من أهله ulama sunna المعروفين ils sont connus ولله الحمد في هذا الزمان الآن le début de sa fitna هذا الضلال أن بعض الناس ils vont délaisser مشايخ وعلماء السنة qui sont connus et ils vont suivre هذا الجاهل qui rentre الآن dans الدعوة et il a un objectif précis الخبيث c'est de فرق أهل السنة ثم بعد ذلك فضح ولله الحمد فطعن وبدع عددا من علماء الأمة ثم avec le temps الله سبحانه وتعالى فضحه Comme chaque mobtil, Allah subhanahu wa ta'ala il le fadah. Il faut du temps faqat. Et un peu de sabr. Bi'idnillah azza wa jal, al-mobtil yufdah. Il a commencé à critiquer ulama al-sunna. Khassatan al-imam, muhaddith al-asr, al-sheikh al-albani rahmatullah alayhi. Ta'ana fiyye. Et il l'a critiqué, bel il a critiqué a'imma qabla. Falhamdulillah, ulama al-sunna, ils ont mis en garde contre lui. لكن تعلمون أن ما من مبطل et ils trouvent des suiveurs. حتى الدجال. الدجال quand il va sortir, il aura des suiveurs. الآن ce groupe à la tête محمود الحداد, leur principale caractéristique c'est حرب أهل السنة والغلو كما سيأتي زيكزاجير et يبدع des savants de la سنة. الآن le fondateur محمود الحداد il a des suiveurs. C'est ce qu'on appelle le groupe Al-Haddadiyya. سيأتي معنا من صفاتهم أنهم يبدعون علماء أئمة à cause d'une erreur. كالإمام الشوكاني رحمة الله عليه والإمام النووي والإمام الحجر والإمام الذهبي رحمهم الله. سبب une erreur, ils ont fait une erreur في الصفات. Ils ont suivi Madhab al-Asha'ira dans certains points. Mahmoud al-Haddad, ha'oula al-al, il le bata' wa yata'an fihim. Bel, il ordonne ses suiveurs de ne pas dire rahimahullah. De ne pas dire, ses suiveurs, ils ne doivent pas dire rahimahullah quand ils parlent d'un de ses imams. Hada c'est min al-ghulu al-halik. C'est un musulman, c'est un imam. C'est un imam de l'islam. Il a fait des efforts que ni Mahmoud al-Haddad ni ses suiveurs ils ont fait. Abatan. لكن الغلو سيأتي معنا بإذن الله عز وجل سيبوان بالتفصيل أما كلام أهل العلم في مؤسس هذه الفرقة الضالة في محمود الحداد فنذكر كلام شيخ مقبل رحمة الله عليه قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار لقلنا هو أحق بالتحريق من فتح الباري تأملوا شغلوا والعياذ بالله غلو هالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو الغلو سيكون صفة ذميمة جدا هذا الغالي المنحرف الضال il a dit en parlant de فتح الباري من أصول الإسلام كنز من كنوز العلم العلماء donnent l'importance جدا à ce livre فتح الباري شرح صحيح البخاري هذا الضال قال أنه يجب obligatoire de brûler فتح الباري لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه il a des erreurs لا شك لا شك celui qui a du علم et qui connaît عقيدة أهل السنة il sait très bien que في فتح الباري il y a des erreurs في العقيدة في الصفات هذا معروف لكن est-ce que ça implique qu'on brûle le livre والعياذ بالله العلماء خاصة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إلى نبع على هذه الأخطاء ضلت طبعا محققة إن شاء الله يكفي الرجل أي الحافظ ابن حجر سائمان إلى في بوكو ديفور في علم الحديث فطلبة العلم يبخفي الدلو contrairement à ce que ce jahil il prétend. فلهذا قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. Cheikh Mokbel Yaqoul, si le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'aurait pas interdit, on n'a pas le droit, l'être humain, il n'a pas le droit de châtier Binnar. C'est Allah qui châtie avec le nar. Jahannam. Mais l'être humain, on n'a pas le droit de châtier Binnar. Abadan. Cheikh Mokbel قال, لو أن رسول الله sallallahu alayhi wa sallam قال, لا يعذب بالنار إلا رب النار, لقلنا هو أحق بالتحريق. On aurait dit, si ça ne serait pas interdit de brûler, en châtiant, on aurait dit Mahmoud al-Haddad, il est ahaq bil-tahriq, c'est lui qui mérite d'être brûlé. هذا كلام الإمام الوادعي رحمة الله عليه. وقال العلامة محمد أمان الجامي رحمة الله عليه قال, en parlant de Mahmoud al-Haddad, هذا الضال, قال حسب نفسه عالما فإذا هو جاهلا يكشف عن جهله. الشيخ محمد أمان العلامة, il donnait beaucoup d'importance à l'aqidah, comme on a déjà vu plusieurs fois avec nos frères dans les durus. Hada, il a démontré que Hada Mahmoud, c'est un jahil min al-juhal. Lakin, c'est une balwa. C'est une balwa, بعض الناس, ils font pas d'efforts dans l'ilm, fait ils différencient plus entre imam, alim min ulama al-sunnah, et ce genre de jahil, ka Mahmoud, al-dha. Wa qala al-allama al-shaykh Hamad al-ansari, rahmatullah alayhi, kama naqala ولده عبد الأول في ترجمة أبيه قال أي قال حماد رحمة الله عليه لو كان لسلطان على الذي يقول بعدم القراءة في فتح الباري وشرح النووي لأخذته وسجنته حتى يتوب وهذا القول لا يقوله إلا سفيه. شيخ حماد il a dit si je ferais partie du gouvernement j'aurais sultan هؤلاء je les aurais emprisonnés. أي ceux qui disent il faut pas lire شرح النووي et Fath al-Bari. Bel, il conseille, il ordonne de les brûler. Et Cheikh Hamad, rahmatullah alayhi, il l'a qualifié de sa fille. Anam, Mahmoud al-Haddad, c'est un safiyah. C'est un jahl, c'est un munharif, c'est un dhal. Al-Haddadiyya, c'est des juhal, c'est des soufaha. C'est des soufaha, les anna hada al-ghulul an, ils ont khalif al-ulama. Ils ont khalif al-haq. Fala ahad min al-ulama, min ulama al-sunna. Il a dit il faut brûler Fath al-Bari. Ou il ne faut pas lire Sharh al-Nawawi à la muslim. N'a'oudou billah. Ben, l'ulama, il donne une importance jiddan jiddan à ces deux livres. Ces deux livres, ils expliquent deux fondements de l'islam. Al-Bukhari ou al-Muslim. Al-Sahihay. Ça vous montre que le peuple, en fait, il harab al-Sunnah. Il harab ulama al-Sunnah. Amma al-Sifat, Sifat al-Qawm, Sifat al-Haddadiyya, après avoir étudié cette bref historique, Al-Qawm, ils ont des sifat. Et c'est ça qui est important, ya jama'a, quand on étudie un groupe égaré ou une personne, c'est d'étudier ses sifat. Et on ne peut pas juger une personne, annahu, il vient de tel bilad, ou il a telle taille, tel poids. Abadan. Abadan. Là, on juge la personne par rapport à son sifat. Par rapport à quoi il appelle. C'est quoi son manhaj. Nous, maintenant, incha'Allah ta'ala, nathkur aham hadhihi sifat. Ay, sifat lil-haddadiyya. La première sifat, ay, la première chose qui caractérise ha'oula al-dullal al-haddadiyya, c'est al-ghulu. Al-ghulu, ay, exagéré. L'exagération. Et on a eu un aperçu avec leur fondateur Mahmoud al-Haddad et son kalam annahu il faut brûler Fath al-Bari annahu hada c'est min al-ghulu al-halik. Qala Allah jalla wa ala qul ya ahl al-kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haq wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu min qabl wa adhallu an sawa'i as-sabil. نهى الله سبحانه وتعالى عن الغلو. يسمون خلنا الغلو من صفات النصارى من صفات اليهود من صفات أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فلا يجوز الغلو. لا يجوز d'exagérer. Chaque chose, on la met à sa place. Soudan, il a une erreur, si ça reste un sunni, c'est un sunni. C'est pas chaque erreur qui fait sortir de la sunna, na'oudou billah. Non. لا يجوز تضخيم المسائل. لا يجوز de gonfler une chose et cette chose elle sort de son ampleur. لا يجوز. C'est ça le غلو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لا يجوز هذا. Ça c'est من أسباب الهلاك. C'est من أسباب الانحراف. إياكم والغلو. إياكم والغلو. النبي صلى الله عليه وسلم يمنع قرب. قال في الدين. نعم لأن في الدين سي أشد. هذا الدين الآن on a des règles ولله الحمد. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. On a des règles نحن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما الغلو كما سيأتي تعريف شغل الإسلام c'est dépasser ces règles. La haqiqa, le ghulu, c'est suivre les passions. Qala alayhi salatu wassalam, iyakum wal ghulu viddin, va innama ahlaka man kana qablakum al ghulu viddin. Amin, a'azam asbab al-halak, halak al-umam, c'est al ghulu. Qala shaykh al-islam, le taymiya rahmatullah alayhi. Al ghulu, la traduction en français, ma'roufa. Al ghulu, c'est exagéré, l'exagération. Qala mujawazatul had. بأن يزاد الشيء في حمده أو ذمه. نعم يزاد الشيء في حمده أو ذمه. C'est ça le غلو. C'est dépasser les limites. إما dans la critique c'est du غلو. مثلا واحد il a fait une erreur, c'est pas une bid'a. Ça y est, معنا ça peut être une bid'a لكن il savait pas. ثم il est qualifié directement de مبتدع sans lui montrer. ربما il aime le حق, il veut savoir. لكن واحد il a du غلو, il se précipite. Il dit Foulan c'est un mubtadi. Ghulu. Ou il dit Foulan c'est un kafir. Alors qu'il n'a pas fait une chose qui le rend kafir. Il a fait un péché. Faqat. Foulan il dit Foulan c'est un kafir. Ghulu. Il a dépassé les limites. Fi hada al-hukm. Kadhalik fi al-mathh. Kadhalik fi al-mathh. Comme ils ont fait An-Nasara ma'a Isa alayhi salatu wassalam. Isa c'est un rasoul. C'est un envoyé. C'est un messager. Ou al-iyadu billah ils ont fait du ghulu. Hatta ils ont dit c'est Allah ou c'est le fils d'Allah. Ghulu. فلا يجوز في المدح أو في الذم لابد الإنسان يمسك نفسه ويضبط كلامه ستحاسب وسنحاسب كلنا على على على ما نقول. كلام شيخ الإسلام من كتابه النافع اقتداء الصراط المستقيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. قالها ثلاثا الحديث في مسلم. هلك المتنطعون. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح مسلم قال أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. On a déjà démontré avec d'autres adillas que le غلو c'est من أسباب الهلاك. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي الغالون ceux qui ont du غلو. Comment faire pour s'écarter du rouleau? La solution c'est de suivre le Nabi alayhi salatu salam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadi sunna c'est une rahma. Hadi al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il nous a démontré tariq al-haq, al-huda, al-hikma, al-rifq. Faliyada qala ma kana al-rifq fi shay illa zana. Wa ma nuzi'a min shay illa shana. Celui qui veut s'écarter du rouleau, il n'y a qu'une solution. Il suit le Nabi alayhi salatu salam. لأن الناس sont على ثلاثة أقسام. Ceux qui sont وسط على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. Ceux qui exagèrent, أصحاب الغلو. Et un autre extrême, ceux qui ont du تساهل, تنيع, du laxisme. Si tu veux être épargné de ces deux maladies, الغلو أو التنيع, t'as qu'une solution, c'est suivre النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا هو الفوز. أما الغلو والتمييع سي طريقة الهلاك الانحراف. لأن الغلو is exagère et il délaisse السنة. التمييع ils ont du laxisme et كذلك il délaisse السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون كل أمتي نعم يدخلون الجنة إلا من يأبى. Chaque membre de ma communauté rentrera في الجنة sauf celui qui refuse. قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Celui qui suit ma sunna il rentre في الجنة, celui qui délaisse ma sunna il a refusé. Enfin, que ce soit le laxisme ou le ghulou, c'est un délaissement de la sunna. فمن أبرز صفات هؤلاء الجهال الحدادية c'est le ghulou. Parmi leurs plus grandes caractéristiques c'est le ghulou. Tu trouveras l'al-haddad, il a du ghulou. لماذا لأن مؤسس الفرقة, le fondateur, il a du ghulou. Et son manhaj, cette firqa, il l'a fondé sur هذا والعياذ بالله. Il l'a pas fondé sur le kitab ou le sunna. Il l'a pas fondé sur al-rifq, sur l'hikmah. أبدا. أصلاً il a rien à fonder. هو الدين il est كامل, il doit suivre. لكن والعياذ بالله الانحراف والضلال. قال شيخنا العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى قال en parlant de Falih al-Harbi, أي un des autres personnages, un des autres guides de Haoula, une référence pour eux, al-Haddadiyya, on a cité le fondateur Mahmoud al-Haddad, كذلك هذا الضال الجاهل المنحرف Falih al-Harbi قال الشيخ حفظه الله فيه قال عنده أخطاء وتأصيلات مخالفة وعنده جزاف. On va voir avec le deuxième kalam أنه الرجل il a des أخطاء لا شك, et parmi ces أخطاء il a du غلو, et c'est ça qui a fait du mal à Falih جدا. Son غلو, il était à la khair, il était avec ses frères أهل السنة, il était considéré parmi les مشايخ طلاب عيم, il le respectait, لكن il s'est fait du mal avec le غلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. فالح الحربي n'est pas au-dessus de ce hadith أبدا أبدا, بل celui qui le connaissait avant et qui connaît son hal maintenant, il sait qu'il s'est fait du mal جدا جدا بسبب الغلو. Ça montre أخي الكريم أن fais attention à ton din, fais attention aux shubuhat. هؤلاء الآن مثل فالح, ils étaient considérés من رؤوس أهل السنة, des livres, des دروس, des محاضرات, دعوة, لكن celui qui délaisse الكتاب والسنة il se fait du mal. كائنا من كان. لا تظن أن الكثرة, vous êtes plusieurs, أو العلم, أو le courage, أو كثرة الكلام, أنه ça suffit pour être préservé de l'égarement. أبدا. لابد من تصحيح النية, لابد الإخلاص, لابد العمل الصالح, لابد التواضع, الرفق. لأن être dur envers les autres, ربما الله سبحانه وتعالى il t'éprouve. Critiquer les autres بغير حق, Allah t'éprouvera, tu seras critiqué. ربما بحق. فهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره, أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تبالي ستخالف فلان من الناس tant que على حق. لا تبالي ستخالف la majorité tant que على حق. لكن انتبه انتبه de خالف النبي عليه الصلاة والسلام, لأن هذا من أسباب الفتنة, يفتن الرجل بسبب هذا, هذا من أسباب كذلك العذاب يوم القيامة. وقال الشيخ حفظه الله, أي شيخ يحيى, فالح الحربي قال مولع بالغلو, أي متحمس إلى الغلو. قال والجزاب, قال وقلة الإنصاف, كذلك من صفات الحدادية. Ils ont d'exagération et ils ont un manque d'objectivité. Ajib, jiddan. Quand ça l'arrange, il faut du rifq. Quand c'est avec les autres, shidda. Naam. Manque d'objectivité. Ajib. Al muslim, il doit être munsif. Al insaf, c'est une sifa tayyiba. Jiddan, jiddan. Que ça soit pour ou contre toi, labud min insaf. Qala al-shaykh wa qillat al-insaf. Tatawala bit-ta'n wa thalb. Ay sab, shatm. يطعن إلى كيوز إلى السلط والتنقص للشيخ العلامة مقبل ابن هادي الواتعي رحمة الله عليه. هذا الإمام كافي بوكو تخير علماء السنة وطلبة العلم يغكنس جهود الشيخ مقبل رحمة الله عليه. أي ما معصوم لا شك, شوف الخالف دون سخت المسائل. نعم حتى هو رحمة الله عليه يديزي سوفا لا يقلدني إلا ساقط. الشيخ مقبل كما تعلمون سيان دي سافان كونتمبورين qui mettait le plus en garde contre le taqlid. Lakin, at-ta'n fih, l'accusé de khariji, أو l'accuser de c'est un ظاهري il est على مذهب ابن حزم أو من هذه الأمور c'est من الغلو c'est من الغلو الشيخ مقبل c'est un imam من أئمة السنة الذي يطعن فيه celui le مطعون que ce soit محمود الحداد أو فالح الحربي أو غيرهم قال والتنقص للشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وغيره من العلماء الذي لا يعادل فالح في الاستفادة أحد طلبتهم صحيح سلمون دين صار الشيخ مقبل إلى أو فالح الحربي إلى كريتيك الشيخ مقبل certains points sans insaf sans objectivité بل طعن والسب سيأتي معنا on va citer certains de ces cas là حتى on s'aperçoit et on sait ce rouleau. Il y en a beaucoup de gens, l'an, كذلك, ils mélangent. عالم من علماء السنة, ils démontrent l'égarement d'un مبطل بحق, بدليل ببرهان, ils disent là, c'est du غلو, c'est un حدادي. أبداً. أبداً. الجرح والتعديل, c'est من أصول هذا الدين. C'est من أصول هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم, il a mis en garde contre الخوارج, il a mis en garde contre القدرية. نعم, les salafs, ils ont mis en garde contre الضلال. Ah, il ne faut pas qu'on mélange, أبداً. نحن الآن, الغلو الآن نحن نشبك أن الطعن في علماء السنة هذا لا يجوز هنا نكزمبل بك هذا المنحرف فالح الحربي نلي كالكز اكزمبل دي غلو دي محمود الحداد كذلك دي غلو دي فالح الحربي لأنهم الآن سليتت C'est les leaders de ce groupe égaré, Al-Haddadiyya. Hatta Akhil Muslim, Akhil Karim, Akhil Wadil, t'as une image, t'as un aperçu de c'est quoi le rouleau de Al-Haddadiyya. Hatta le kalam, il est adib, dit-il. Atteindre ce niveau, Nassallah subhanahu wa ta'salam wa al-afiyya. Atteindre ce niveau de rouleau, wa ta'an, et manque de douceur, manque de hikma. Amma Mahmoud Al-Haddad, comme tu sais, il a bedda' à imma. من أئمة الإسلام كالإمام النووي والحافظ ابن حجر والذهبي إلى ذي طعونات في شيخ الإسلام في ابن القيم في الإمام الشوكاني أما العلماء علماء العصر فحدث ولا حرج فالرجل ما ترك أحد الرجل ما ترك أحد كذلك on a cité أنه أمر بتحريق فتح الباري للحافظ ابن حجر et on a lu le كلام de الشيخ مقبل لا يعذب بالنار أو قال لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار لقلنا هو أحق بالتحريق من فتح الباري هذا غلو فتح الباري حقيقة شاك طالب علم إذ وضخ سليفة دانسا مكتبة فوائد عظيمة لا شك أن تبو خالف الحافظ دان سيغتين شوز تدوى له خالف دان سيغتين شوز لزغوخ خلاف الصفات أو certains حكم على بعض الأحاديث نعم هذا tant que c'est basé sur العلم طيب أما الأمر بتحريق الكتاب نص الله العافية أما فالح الحربي فمن غلوه on va citer certaines de ses paroles elles ont été répandues après la fitna de فالح dans les ردود إلى آخره فنحن on a compilé certaines de ses paroles et elles sont tirées de certains audios et elles sont manchoura fi al-shabaka qala thalih ibn hajar nu'amiluhu mu'amalat al-kitab wa-sunnah man alladhi la yubaddi' ibn hajar ta'ammal al-ghulu il prétend ibn hajar il prétend thalih il a une position par rapport à ibn hajar il s'est basé sur le Qur'an et le Sunnah. ثم il démontre, il dit qui c'est qui rend pas mubtadi' Ibn Hajar, il hafid. كأنه tout le monde le rend mubtadi'. Abadan, na'oudou billah min al-ghulu. Na'oudou billah, c'est un imam min a'immat al-islam. Et il s'est trompé, on rejette ses erreurs, rahmatullah alayhi. Et on fait du'a. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne et il l'élève en degré pour tout le bien qu'il a fait pour l'islam et le Sunnah. كذلك من كلامه قال الذهبي تعلمون من هو الذهبي الإمام صاحب سيارة علم النبلاء هؤلاء الآن أئمة الإسلام العلماء اللي غسبت جدا وطلبة العلم كذلك اسمع ماذا يقول الذهبي لا يعتمد على كلامه بالإطلاق قال الذهبي عنده ما عنده بنفسه فلا تقبل شهادته حتى سون تيمونياج dans ses livres, dès qu'il dit quelque chose ou son kalam, la yu'tamad alayh. Ghulou. Ghulou l'an. Al-an, on prend plus l'ilm de l'Hafid ibn Hajar. On prend plus l'ilm de Al-Zahabi. Alors qu'ils ont des livres, c'est des fondements de sunna. Sur l'ilm al-Nubala, tariq l'Islam, Al-Hafid ibn Hajar, il a fait l'Bari, il a l'Isaba, il a kassir min al-Kutub. Ha'oula l'an, al-Haddadiyya, ghulou, à cause de certaines erreurs que ces imams, ils ont fait des erreurs, ils ont eu des erreurs, ghulou, tu dois plus lire leurs livres, c'est des mubtadi'a. Sayati ma'ana, tu dois même plus dire rahimahullah. Sallallahu alayhi wa sallam. قال كذلك لما ذكر بعض العلماء فالح الحربي إلى ستة certains savants contemporains ثم قال هؤلاء أخذوا التمييع من العباد أي من الشيخ عبد المحسن حفظه الله قال والعباد أخذه من ابن باز وابن عثيمين شوف على الطعن إن فخاز يبقى فيه طنبي علماء العصر الشيخ العباد زي مميع لماذا لأن الشيخ العباد إلى أخذ التمييع من شيخ ابن باز et de Cheikh Al-Uthaymin. Aïe, haoula l'an, ulama l'umma, c'est des moumayya. Limada, il est qualifié de moumayya, limada? Li'annahu, huwa il a du ghulou. Tellement qu'il a du ghulou, haoula a immat l'islam. Cheikh Al-Baz, Cheikh Al-Islam, il y a de l'asr. Bihaq. Tellement qu'il a du ghulou, pour lui, Cheikh Al-Baz. Cet homme, ce savant qui a fait tant d'efforts, hatta awam al-nas illam, hatta al-mubtadi'a, il reconnaît son fadl, hada al-munharif al-ghali, pour lui c'est un moumayya. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa qal kadhalik al-Sheikh ibn Uthaymin la yadri ma yakhruj min ra'si. Ta'an. Sheikh ibn Uthaymin, il ne sait pas ce qui sort de sa tête. Hey, quand il parle. Sheikh ibn Uthaymin, al-faqih, al-allama, al-imam. Qal kadhalik al-albani huwa wal-hizbiyin hakada qal fi khandaqin wahid. Nahnu limada al-an on cite hada ya ikhwan. Pour vous montrer un al-juhal al-an, al-hizbiyoun, qu'ils accusent Cheikh Yahya, havidahullah ta'ala, ils accusent ses tullab de haddadiyya, al-an, nahnu, on vous montre c'est quoi l'haddadiyya, c'est quoi leur usul, c'est quoi leur ghulou. Hatta anta, tu fais la comparaison avec Cheikh Yahya et ses tullab. Cheikh Yahya, alhamdulillah, il n'a jamais critiqué Cheikh Mokbil, il n'a jamais critiqué Cheikh Mubaz, il n'a jamais critiqué Cheikh Mnayotaymin, rahmatullah alayhi. Abadan, il n'a jamais critiqué Cheikh Al-Abbad. Cheikh Yahya Havidallah, il étudie tous les jours. Il enseigne à ses élèves Fath al-Bari, Sahih al-Bukhari, Yastafid min. Et entre le Maghreb et l'Ijah, Sharh Muslim, de l'imam al-Nawawi. Contrairement à ce que ces dollars lui disent. Fala taltafit. La taltafit al-kalam al-farig, qui n'est pas fondé sur du ilm. C'est facile de dire Fulan, c'est un haddadi, Fulan, c'est un ikhwani. Hada min asr ma yakoun. Lakin iqamat al-hujja, il faut du ilm. Et le qawm, ils n'ont pas de ilm. نتحداهم نتحداهم يبروف حدادية الشيخ يحيى avec du ilm. أما لردود qui a eu entre الشيخ يحيى et certains مشايخ أنت en tant que طالب علم en tant que منصف tu recherches الحق أينه نعم لأن si eux ils disent الشيخ يحيى c'est un حدادي لأن il a critiqué فلان نحن on peut dire c'est des حدادي لأنهم ils ont critiqué الشيخ يحيى بل ils ont critiqué الشيخ مقبل بعضهم et ceux qui n'ont pas critiqué ils n'ont pas réfuté ولا حرف ceux qui ont critiqué Cheikh Mokbil. Minhum Abdullah al-Bukhari, il a dit Cheikh Mokbil, Khariji, il a fait Tawbah deux mois avant sa mort. Na'oudou billah. Ta'an, fi. Ta'an, tous ces jours des années, c'est un Khariji, il est à la fikr al-Khawarij. Ou akhar, il dit anna, Cheikh Ibn Uthaymin, il n'a pas de khibra, fi al-jarh wa al-ta'dil. Mais ça ressemble à ce kalam là-an, ta'an. Ou akhar, il critique Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani. Ah, là, il y a des ayam, vous avez entendu ces critiques manchoura. Na'an. Lakin, quand c'est eux, t'as pas le droit de parler. C'est une simple erreur. Quand c'est Shir, ils essayent de trouver une erreur, c'est un haddadi. On a dit, anna min alamati ahl al-ahwa, al-haddadi et autre. C'est le manque d'insaf. La bud min al-insaf. La bud. Nous, le but, l'an, c'est tawdih l'haq. Et bien, l'haq. Wa alhamdulillah, la nubali bim al-khalaf al-haq. Quel qu'il soit. Nous, on sait qu'on rendra des comptes yom al-qiyama et le but c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala et suivre le prophète alayhi salatu salam. C'est ça le but l'an de dire ce kalam. Fata'ammal l'an ala ghulu. Ala ghulu. Hala l'an sa haddadi l'an. Hala sa haddadi t'as aucun doute. Yat'an fi a'imma ulama sans aucune hujja. Bel, la plupart ils sont morts, rahmatullah alayhim. L'imam Nawawi, l'Hafid ibn Hajar, l'imam Zahabi, l'imam Shawkani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Mokbel, tous ceux-là ils sont morts, rahmatullah alayhim. Lakin ar-rajul yat'an. كذلك قال نشر قال فالح الحربي قال نشر طلاب الجامعة الإسلامية أي بالمدينة النبوية لا لونيفرسيتي إسلامية يبرتون les élèves de l'université islamique ماذا فعلوا قال نشر السنة في اليمن والشيخ مقبل في الحجر والطين ما أدري كيف سيكي بصدق ce كلام. Il prétend là, les élèves de la jami'a, des élèves, ils ont propagé sunna au Yémen avant Cheikh Mokbil. Cheikh Mokbil, il était fattin. Il était dans des maisons de la boue, de la terre. Ta'an. Yermesfi. Cheikh Mokbil, il est considéré Cheikh l'Islam fil Yémen, Yermeskin. Cheikh Mokbil, c'est Ra's min Ru'us Ahl Sunna fi Had al Asr. Cheikh Mokbil, yastavid minhu min kutubi hatta ulama l'an. Hatta l'ulama m'a fait croire que des tullab, ils ont propagé sunna avant Cheikh Mokbil au Yémen, hayhat. Qal kadhalika Cheikh Mokbil fihi humq wa safa. Vous comprenez l'an, limada Cheikh Yahya ila rab ala falih al harbi. Al-ajib après tout ça, quand Cheikh Yahya, taqriban en 2005-2006, ila rab ala falih, katil min al-nas, ils n'étaient pas d'accord avec Cheikh. C'est un des premiers qui a montré son égarement après ce kalam sur Cheikh Mokbil et des autres savants. Cheikh Yahya, il a dafa anhum bihaq. Wa'ad al-nas, à l'époque, ils avaient dit la limada yatakallam la. Sma'a la kalam. Sma'a l'an al-haddad al-haqiqi, il faut le combattre. Lianahu il combat sunna. Lakin la, la tatakallam, la tatakallam. Le kalam l'an il est khatir jiddan. Cheikh Mokbil vihi humq wa safa. Fa Cheikh Yahya il a parlé bihaq. Et avec le temps, ça s'est démontré qu'il était à la haq. Thumma katir min al-nas, ils ont parlé, falih, sa haddadi, sa haddadi. Qala la ya'du, l'an il parle de Cheikh Mokbil, falih al-arabi, la ya'du an yakun talib ilm. Non, il met des doutes sur l'ilm de Cheikh Mokbil. Et il dit, est-ce que c'est un talib ilm, on a des doutes. Wallahi, talib de Cheikh Mokbil, des tullab, Wallahi alhamd, c'est des savants. T'as un exemple, Cheikh Yahya. Les élèves des élèves de Cheikh Mokbil, وبعضهم c'est des mashayikh. Les élèves des élèves des élèves, Wallahi alhamd, c'est des mudarrisin. كثير من الناس يستفيدون منهم. هذا الآن il veut faire croire أن إمام التعوى السلفية في اليمن est-ce que c'est un طالب علم أم لا؟ قال عيسى السلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. بالحرب. الحرب حاربوه ولله الحمد. علماء السنة. لأنه il avait une langue, il parlait beaucoup. Yat'an, yat'an, yat'an. Lakin, yassar Allah subhanahu wa ta'ala, man jarahahu bihaq. Qal, la ya'du an yakun talib ilm, alayhi an yatajarrad min al-dhalal alladhi huwa fiyya. Thumma il conseille, Cheikh Mokbil, il doit délaisser l'égarement dans lequel il est. Na'oudou billah. Tout ça, c'est dans des assises privées. Abadan, il dit, hada, en face de Cheikh Mokbil, ou il propage un kalam. Tous ces kalams, c'est apparu après. Ça a apparu après, dans des assises privées, quand il s'est égaré, des frères ont témoigné. Fa alhamdulillah. Al-Muhim, après toutes ces paroles qu'on a citées, l'an, nukulat, ces témoignages, ala shakanna al-haddadiyya, c'est un groupe qui a du roulou. Khassatan al-ta'an fi ulama al-sunna. Et tous les exemples qu'on a cités, l'an, incha'Allah, al-mas'ala li wadiha. Min usulihim, al-batila kadhalik. Alors, on va citer des règles qu'ils ont khalif dans ce point. Dans ce point. Et le roulou, on a démontré qu'ils ont du roulou. Alors, leur roulou, il est basé sur des règles batila. Ils ont délaissé manhaj al-salaf. Qala azza wa jal, wa man yushaqiq al-rasoula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Al-shahid wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. هؤلاء القوم الحدادية الآن ils ont des règles خاصة في الجرح والتعديل ils ont خالف علماء السنة ils ont خالف السلف parmi ces règles قولهم كل من وقع في بدعة فهو مبتدع cette règle elle est خطيرة جدا cette règle elle est très très dangereuse لماذا لأن الإنسان il est pas معصوم tu peux faire une مخالفة tu peux tomber dans une بدعة وأنت لا تدري si on te montre إن شاء الله tu reviens tu n'es pas مبتدع أبدا لكن الآن استغل شلو يكفين بدعة مبتدع فلهذا إذن بدع ابن حجر الإمام النووي الإمام الذهبي الإمام الشوكاني لهذا لأن لغج زي important جدا يا أخي المنهج il est fondé sur des règles elles sont importantes جدا vous avez remarqué tous les égarements الآن que ce soit أهل التمييع كالحلبي وشلته Ils ont des règles. Ils ont des règles. Kadalik fi kitab al-ibana. Des règles. Allez, hada al-qawmi se sont égarés. Kadalik ahl al-ghulu. On étudie l'an. Des règles. Kadalik se sont égarés. Les madal, il y en a six règles al-khalif al-kitab al-sunnah. Ça te montre, anta akhi al-karim, l'importance de connaître les règles du minhaj salafi. Le minhaj salafi, il est fondé sur des règles. Il est fondé sur des adillah, sur des fondements. Anta, tu dois les connaître. Kadalik, tu connais les fondements des égarés, hatta incha'Allah tabta'id. Et tu mets en garde. Biqadra al-istita'a. Parmi ces règles, donc, kullu man waqa'a fi bid'a, fahuwa mubtadi'a. Sans aucun tafsil. Qala Allah. Subhanahu wa ta'ala, wa ma kunna mu'adhibin, hatta nab'atha rasoula. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne châtie pas un qawm, hatta il revoit un rasoul. Aïe, iqamat al-hujja. Ça montre qu'il y a des personnes qui seront excusées yom al-qiyama. Ceux qui n'ont pas reçu al-risala, ils n'ont pas reçu de rasoul. Ils ne savent pas. Yom al-qiyama, ma'ruf. Ma'ruf anna ha'oula, ils seront éprouvés yom al-qiyama. Est-ce qu'ils suivent le haq amla? Amma les châtier sans leur montrer. أبدا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الآن ربما un frère il fait une bid'a sans faire exprès. ربما il savait pas. ربما il s'est trompé. ربما il croyait que c'était une sunnah. Tu lui montres, يا أخي الكريم, t'as fait telle chose. Le prophète sallam il a dit, tu lui cites des adillah. Tout le monde il revient. خلاص. Il n'y a aucun problème, ça arrive. أما القوم لا une erreur, une bid'a. فلان c'est un مبتدع. هذا ça fait partie du غلو. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية في الفتاوى قال وكثير من مجتهد السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة بكو كثير من مجتهد السلف والخلف أي دي زمام ils se sont trompés et ils ont fait des choses c'est des بدعة قالوا وفعلوا ما هو بدعة لكن اسمع قالوا ولم يعلموا أنه بدعة لكن ils savaient pas. Il ne savait pas, il y a des causes qui vont citer Cheikh l'Islam. C'est des êtres humains. Obama, il croyait que cette chose c'était une sunnah, le hadith il est va'i. Il fait cette ibadah, il n'y a aucun délit. C'est une ibadah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. C'est une bid'a. Lakin huwa ma'idri. Ma'idri, c'est un imam, c'est un mujtahid. Qala Cheikh l'Islam, imma li ahadith va'ifa, comme on a cité. Qala dhannuha sahiha. Et ça parmi les causes de l'erreur. C'est parmi une des causes de tomber dans l'erreur, c'est de appliquer un hadith va'if en pensant qu'il est sahih. Si c'est un savant, un mujtahid, il est excusé. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-mujtahid il a deux ajr. Et al-mujtahid al-musib il a deux ajr. Et al-mukhti il a un ajr. Fahad al-an, si c'est trompé, il a une récompense pour son ijtihad. Amma dire que c'est un mubtati', na'oudou billah. Qala wa imma li ayat, ayat du Qur'an, fahimu minha ma lam yurad minha. Kadhalik, un ikhtilaf dans la compréhension. Obama un verset, ce savant il l'a compris d'une façon et il s'est trompé. Et ça a abouti à une bid'a. Il est excusé, c'est un mujtahid. Qala wa imma li ra'yi. Kadhalik un avis, il fait un ijtihad. Qala wa fil mas'alati nusus ou fil mas'alati nusus lam tablughhum. Kadhalik il peut se tromper, le hadith il savait pas qu'il y avait un hadith dans cette mas'ala. Est-ce que ça fait de cet imam ou même si c'est un autre imam, un talib, même un ami, est-ce que ça fait de lui un mubtadi'? Abada. Amma inda al-haddadiyya na'am, man waqa'a fil bid'a, fahuwa mubtadi'. Inda al-sunnah, même celui qui fait du kufr, c'est pas forcément un kafir. Il peut avoir des excuses, ce qu'on appelle ash-shurut ou al-mawani'. Il peut être ma'dour, il peut être forcé, il peut avoir oublié, il peut avoir un ta'wil, il pensait que c'était haq. Tout le monde lui montre, il revient. فمن وقع في الكفر c'est pas forcément un kafir. ومن وقع في البدعة c'est pas forcément un مبتدع. ومن وقع في الفسق c'est pas forcément un فاسق. C'est ça منهج عقيدة أهل السنة. Contrairement au حدادية الضلال. سئل الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه. هناك من يقول من المتأخرين أو من المتأثرين بفكرة الحداد أي الحدادية. قال بأنك تؤيدهم في أن كل من وقع في البدعة فهو مبتدع. Ça, cette question, elle nous montre un point important du qawm. Et en haqiqa, ça c'est عَامٌ لِجَمِعَ أَهْلِ الْبِدَعَ التَّلْبِيس. Ils essayent de faire croire que Cheikh Muqbil, il a avec eux dans cette mas'ala. La question c'est, بعد الناس, certaines personnes qui suivent Mahmoud al-Haddad, ils prétendent que Cheikh Muqbil, rahmatullah alayhi, lui aussi dit que chaque personne qui tombe dans le bid'a, c'est forcément un mubtadi'. Cheikh Muqbil قال الذين قولوا بأن الرجل السني إذا وقعت منه بدعة فنحكم على ذلك العمل بأنه بدعة. أما العمل نعم, العمل نعم c'est une bid'a cette chose. أما الشخص la personne c'est autre chose. قال الشيخ مقبل وأما الرجل فلا نستطيع نحكم عليه بأنه مبتدع أي على الإطلاق. Il faudra prendre en considération certains points pour dire مبتدع أم لا. Et ce حكم revient à أهل العلم. انتبهوا يا إخوان, vous rentrez dans des choses que vous ne maîtrisez pas. انتبهوا, tu rentres dans une chose, Thomas, tu es obligé de t'excuser. Tu t'avances dans une chose, Thomas, tu es obligé de faire taouba. Il y a des choses, laissez-les les ahl al-ilm. Alhamdulillah, les ulama, ils sont maujoudis. N'tabihou. Tu te précipites, Foulan, c'est un mubtadi', Foulan, c'est. N'tabihou. Il n'y a pas une grosse haja. L'alim, il est écouté. Amma anta, personne t'écoute. Al-alim, inshallah, son qawl, il est fondé sur des usul. Amma nahnou, on est des débutants vers l'ilm. On ne rentre pas vers ça. Là, là. Si on a un problème, on a une question, on revient à Ahl al-Ilm. Aïn al-Mani'. Pourquoi on ne reviendra pas à Ahl al-Ilm fi hada ? Il n'y a aucun mani'. On ferme ce bab. On ferme ce bab et on fait des efforts fi l'ilm. Et si on a un problème avec un individu min ha'oula, on demande, ya Cheikh Fulan, Fulan il a fait telle chose, il a dit telle chose. Et on montre bihaq. On montre bihaq et on demande la réponse à ce savant et il nous dira, Fulan c'est un kada. Hada. هذا سنتنبيه. قال الشيخ مقبل وأما الرجل فلا نستطيع أن نحكم عليه بأنه مبتدع بل نقول إنها تغمر في فضائله كما أن عبد الله بن عمر سمى أذان الجمعة الأول بدعة ولم يقل إن عثمان رضي الله عنه مبتدع أبدا. contrairement à ce que certains ils ont compris cette مسألة quand الشيخ il a حقيقة il a fait que répéter le كلام de الشيخ مقبل لأنه صح كلام il est مبني على حق يا des أدلة. Parmi ces adillas, la parole d'Abdullah ibn Umar, « Ce adhan, c'est une bid'a. » Par d'un ils ont compris que Uthman, si tu dis c'est une bid'a, Uthman, c'est un mubtadi'. N'a'oudou billah. Abadan. Est-ce que Cheikh Mokbil, il dit que Uthman, c'est un mubtadi'? Là. Est-ce que Abdullah ibn Umar, il a dit que Uthman, c'est un mubtadi'? Là. Al-amal, eux, ils sont d'avis que ce amal, c'est une bid'a. Même si un tas n'est pas d'avis, ça implique pas que tu t'en fihim. Lakin al-ajib, an la ahad yat'an fi Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu. ابدا ولا احد يطعن في الشيخ مقبل en public devant tout le monde اما سريا وبعضهم يطعن comme il a fait عبد الله البخاري لكن الشيخ يحيى quand il a dit ce كلام qui est un délire طعنوا فيه qu'est-ce qu'on a dit من علامات اهل الاهواء le manque d'insaf قال الشيخ مقبل اما من كان غارقا بين البدع ويقيم الموالد وكذلك الاذكار المبتدعه عقب الصلوات وهكذا يقف في وجه السنة فنحن نسميه مبتدعا ولا كرامة فكلامهم ليس بصحيح يا تفصيل أما celui qui marche avec أهل البدعة il défend أهل البدعة il combat السنة il combat علماء السنة sa vie elle est fondée sur البدعة il s'apparente à un groupe de مبتدع il est مع القوم إخواني c'est un إخواني un تبليغي c'est un تبليغي c'est des مبتدعة أما سني il est على السنة et il se trompe أولاً il faut voir si l'erreur elle est justifiée. لأن أحياناً بعض الناس ils pensent que فلان il s'est trompé et il a le حق. أولاً إذا تحققت que c'est un خطأ ينصح برفق. Tu lui montres. ربما il a des شبه, ربما il a un تأويل, ربما il a un كلام d'un savant qu'il n'a pas compris. ربما il a un حديث, il ne sait pas qu'il est ضعيف. Tu lui montres et inshallah si c'est un sunni il a le حق. بإذن الله tu trouveras qu'il revient très facilement au حق. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع. Inch'Allah, on continue demain, Bidnillah Azza wa Jal. Yana, indana l'waqt, c'est bientôt Salat al-Dhuhr, il va faire l'adhan qarib. Inch'Allah, après Salat al-Dhuhr, indana, vous avez un tome, Inch'Allah, le programme. Akhuna Khalil, il va faire une kalima pour montrer l'égarement des Ahbash, khassatan l'association Hadi. Nansah l'Ikhwan bil Hudur, wa bil Sabr, bil Sabr. لأن هذه الجلسات ستمنع الصبر من الصباح إلى الليل لكن إن شاء الله يا خير الاحتساب كذلك الاحتساب وبليه با الاحتساب لأدلة كنا سيته وديبو أنه من أسباب محبة الله تزاور انتخفو والرفق والمحبة إن شاء الله تتعاونون على ذلك أما أنا بإذن الله عز وجل فدما لمميور إن شاء الله نكونتينو ست كلمة نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وإن شاء الله غدا من عنده شيء يتفضل